Dialogue au restaurant. Écoutez. Maître d'hôtel, la carte, s'il vous plaît. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Voici la carte. Puis-je vous aider? Que nous conseillez-vous? Comme entrée, je vous conseille des huîtres ou une terrine de poisson. Pour moi, des huîtres. Et toi? Tu te décides? J'adore les huîtres, mais votre terrine me tente. Oui, une terrine. Et ensuite, je peux vous proposer du poulet au champagne, des tournes d'eau ou des côtes d'agneau. Répétez. Maître d'hôtel, la carte, s'il vous plaît. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Voici la carte. Puis-je vous aider? Que nous conseillez-vous? Comme entrée, je vous conseille des huîtres ou une terrine de poisson. Pour moi, des huîtres. Et toi? Tu te décides? J'adore les huîtres, mais votre terrine me tente. Oui, une terrine. Et ensuite, je peux vous proposer du poulet au champagne, des tournes d'eau ou des côtes d'agneau.